Chant numéro 8. Reprenant mon récit, je dis que dès avant d'arriver sous le mur de cette haute tour, tout à coup mon regard qui montait vers son faîte y vit deux lumignons qu'on venait d'y placer, et un autre plus loin qui semblait lui répondre, si loin que je pouvais l'apercevoir à peine. Alors je me tournai vers la mère de sagesse, et je dis, qu'est-ce ceci? Qu'est-ce qu'elle répond, la flamme de là-bas? Qui l'a donc allumée? Il répondit, « Déjà sur les ondes crasseuses, tu peux apercevoir celui que l'on attend, si tu perces des yeux la brume du marais. » Jamais sans doute un arc n'a décoché la flèche plus vite et plus légère à travers les espaces que la petite nef que j'aperçus alors s'avançait droit vers nous sur l'eau du marécage. Et un seul notonnier tenait le gouvernail, qui criait « Je te tiens enfin, esprit félon !» Fléjas, Fléjas, c'est en vain que tu cries en cette occasion, répondit mon seigneur, car tu ne nous tiendras que le temps de passer. Alors, comme celui qui s'aperçoit trop tard qu'on vient de le jouer et s'en afflige en vain, tel devint Fléjas dévoré par sa rage. Mon guide cependant descendit dans la barque et m'y fit une place où je vins aussitôt. Et ce ne fut qu'alors qu'elle parut chargée. Dès que mon guide et moi nous montâmes à bord, soudain l'antique esquif fendit et déplaça plus d'eau que jusqu'alors il n'a jamais chassé. Pendant que ce vaisseau glissait sur l'onde morte, Andané se dressa près de moi, plein de fange, disant « Qui donc es-tu, toi qui viens avant l'heure ?» Je répondis « Je viens, mais du moins je repars. Mais toi, qui donc es-tu pour être si crasseux ?»« Tu vois, » dit-il, « je suis un des esprits qui pleurent. » « Reste donc, répondis-je alors, avec tes pleurs et tes gémissements, âme à jamais maudite, car je te connais bien malgré ta saleté. » Il voulut tendre alors ses deux mains vers la nef, mais le maître avisé le repoussait au loin, en lui disant « Va-t'en avec les autres chiens !» Ensuite il m'entoura le cou de ses deux bras et dit en me baisant au visage « Âme altière, qu'à jamais soit béni le saint qui t'a porté. Celui-là fut jadis bouffi par tant d'orgueil que nulle œuvre ne part aujourd'hui sa mémoire, et la justice veut qu'ici son ombre enrage. Combien sont-ils là-haut vivants comme des princes, qui deviendront un jour des porcs dans le bourbier, laissant pour souvenir un horrible mépris ? Moi, je serais bien aise au maître de le voir obligé de plonger dans cette saleté avant d'avoir les deux fini la traversée. Et il me répondit « Avant d'avoir atteint l'autre rive, ton vœu sera réalité, car ton juste désir s'accomplira bientôt. » Quelques instants plus tard, je vis ceux de la boue prendre de cet esprit une telle vengeance que je ne cesse pas d'en remercier Dieu. Ils s'écriaient tous « Sus a Philippe Argenti !» Et l'esprit irracond du Florentin tournait de colère ses dents contre sa propre chair. Nous le laissâmes là, je n'en parlerai plus, car de plus tristes sons frappèrent mon oreille et me firent darder mon regard en avant. Mon bon maître me dit « Mon enfant, désormais tu verras de plus près dite la grande ville et de ses citoyens l'immense et triste foule. » Et moi, maître, il me semble apercevoir déjà au fond de ce vallon clairement ces mosquées, si rouges qu'on dirait qu'elles sortent du feu. Alors il m'expliqua « C'est l'éternel brasier qui, brûlant au-dedans, les fait paraître tels que tu les aperçois au bout de ses bas-fonds. » Nous parvînmes enfin au fond des grands fossés qui gardent de partout la ville inconsolée, au pied des murs pareils aux blocs de fer forgé. Et non sans avoir fait un assez long détour, nous vînmes à l'endroit où l'horrible nocher nous cria « Descendez, c'est par ici qu'on entre !» Sur les portes, je vis plus d'un millier d'esprits précipités du ciel, disant avec mépris « Qui donc est celui-ci qui, sans mourir lui-même, au royaume des morts entre comme chez lui ?» Mais mon sage docteur leur montra par des signes qu'il leur ferait savoir certaines choses à part. Ils réprimèrent donc un peu leur grand dépit et dirent Viens toi seul, et que l'autre s'en aille, puisqu'il eut le toupet d'entrer dans nos contrées. Qu'il refasse tout seul son voyage insensé, qu'il retourne s'il peut, car tu restes ici, toi qui nous l'amenas dans nos noires provinces. Considère, lecteur, si je sentais le cœur me défaillir au son de ce maudit discours, car je pensais vraiment ne jamais revenir. Ô mon cher guide, dis-je, ô toi qui par cette fois m'as rendu le courage et m'as toujours tiré des plus graves périls dressés à mon encontre, ne m'abandonne pas dans cette inquiétude. Et s'il n'est pas permis de dépasser ce point, revenons tous les deux promptement sur nos traces. Mais le sage seigneur qui me guidait me dit, « Courage, on ne saurait nous arrêter ici. Le pouvoir est plus grand de celui qui nous mène. Attends-moi donc ici, ranime en attendant, et nourris ton esprit de la douce espérance. Je ne te laisse pas au monde souterrain. » C'est ainsi que s'en fut le Père bien-aimé, en m'abandonnant là, tout seul avec mes craintes, dont les noms et les huit se heurtaient dans ma tête. Je n'ai rien entendu de ce qu'il leur disait, mais il n'eut que le temps de placer quelques mots qu'ils se sauvèrent tous derrière leurs murailles. Ces ennemis de l'homme ayant fermé la porte au nez de mon Seigneur qui demeurait dehors, il s'en revint ensuite assez penaud vers moi. Il me semblait soudain triste et découragé. Il murmurait tout bas, avec les yeux baissés, « M'interdire l'accès de l'horrible cité. » Mais il dit, se tournant vers moi, « Si je m'altère, toi ne redoute rien. » Nous en viendrons à bout, quiconque soit celui qui nous veut résister. Oui, cette autre cuidance ici n'est pas nouvelle. Jadis, ils l'ont usée aux portes moins secrètes, qui depuis ce jour-là perdirent leur serrure. C'est celle où tu lisais tantôt les lettres noires, mais telle est en deçà, qui descend à l'instant et traverse déjà les cercles sans escorte. Et tu verras s'ouvrir les portes de ce bourg. »